Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode de JT Sport. Et en ce 15 janvier, on a une petite pensée pour Agnès à qui on souhaite un très joyeux anniversaire. Pour débuter du bon pied, Paul va nous faire un état des lieux des résultats de nos Français en sport d'hiver. On enchaînera avec du ballon ovale, focus sur les équipes de la région en Pro D2 et en National. Pour l'actualité en bref, cette semaine, c'est Arthur qui s'y colle. Alors que dans la carte blanche, Clément nous présentera l'un de ses favoris pour cette Coupe d'Afrique des Nations, la sélection marocaine. Enfin, alors que la nouvelle saison de cyclisme approche, François et Bastien nous donneront chacun leur avis sur la suprématie de la Visma. Et comme chaque semaine, j'espère que vous avez bien révisé parce que nous finirons l'émission par notre traditionnel quiz. C'est un génie. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France. La victoire de Pierre Gasly, il l'a fait. Je crois qu'après avoir vu ça, alors que la France est quasiment assurée d'accueillir les Jeux Olympiques d'hiver dans ses Alpes en 2030, on va forcément s'intéresser d'un peu plus près à tous ces sports. Et on peut dire que ce week-end, comme depuis plusieurs semaines, les Français ont répondu présent, Paul. Oui Arthur, c'est le moins que l'on puisse dire. Et comment ne pas commencer par les filles du biathlon? Sur une lancée de 6 victoires consécutives sur le circuit de la Coupe du Monde, l'équipe de France a récidivé en s'imposant sur le relais de Ruhpolding en Allemagne. Et tout ça sans leur tête de file, Justine Brezaz-Boucher, qui était laissée au repos après 6 podiums de suite pour elle, dont 4 victoires individuelles. Même si la suite du week-end a été moins étincelante, on note quand même les 2 quatrièmes places de Lou Jean Monod en sprint des poursuites. Il faut mettre à l'honneur ce collectif féminin, sans aucun doute le plus dense et le plus fort de notre histoire. Avec des leaders inspirantes, des confirmations, mais aussi des jeunes pousses comme Jeanne Richard, 21 ans, déjà au niveau. Pour le coup, c'est plus compliqué chez les garçons qui ont pendant longtemps fait de l'ombre à cette équipe féminine avec des gars comme Martin Fourcade et une grosse densité. Des difficultés au tir et des vikings norvégiens invincibles les empêchent de regarder tout devant en ce moment. Seul éclairci, le retour au premier plan d'Emilien Jacquelin après son burn-out, 2e ce week-end. Et tout ça à un mois des mondiaux. En ski alpin, les Bleus de la Vitesse ont aussi trouvé leur rythme de croisière, porté par un certain Cyprien Sarrazin. Son nom ne vous évoquait peut-être rien il y a quelques semaines, mais je vous garantis que vous allez en entendre parler pendant un moment. Spécialiste du géant, il y a encore 2 ans, le skieur de Super Dévolu est en pleine mutation depuis la saison dernière, et il est tout simplement en train d'exploser. Vainqueur de la descente la plus exigeante de la saison à Bormio, il a récidivé ce week-end en remportant le Super G de Wengen, avec en prime 2 secondes place derrière l'Ogre Dermat en descente. 3 podiums en 3 courses donc, le Français s'impose comme le 2e homme du circuit en vitesse. Un talent rare comme la France n'en a pas connu depuis un moment, et c'est tout un groupe qui retrouve des couleurs avec de bons résultats d'ensemble. Seul point noir du week-end, la blessure au genou d'Alexis Pinturo, qui doit mettre un terme à sa saison. Une fois n'est pas coutume, on va terminer sur une note d'élégance. En début d'année, on vous avait parlé d'Adam Siao Imfa, et bien vendredi soir, il est devenu double champion d'Europe de patinage artistique en Lituanie. Il était annoncé favori et il a parfaitement assumé son statut. Malgré une chute, le Français de 22 ans a été fort mentalement pour se remobiliser. Il s'est même autorisé à ponctuer sa chorégraphie d'un salto arrière, pourtant interdit en compétition. Mais il avait assez d'avance pour se faire plaisir et faire plaisir aux spectateurs. Rendez-vous aux Mondiaux de Montréal fin mars pour se frotter aux Américains. Merci Paul pour ce bilan hivernal du week-end. On passe tout de suite au Régional. Aujourd'hui, on va parler rugby, mais pas de Stade Toulousain. Théo, tu nous fais un petit point sur les équipes du coin en Pro D2 et National en ce début de phase retour. Et oui, pour ce 9e épisode de JT Sport, on va s'intéresser au rugby Champagne, celui où la 3e mi-temps est toujours au programme. Pour cela, direction la Pro D2, 2e division professionnelle française, où évoluent les clubs de Colomiers et Montauban. Et ce week-end, sale temps pour les gros autour de Toulouse. Colomiers affrontait l'AS Béziers, lancé sur une dynamique de 5 victoires d'affilée. Après un véritable match de ping-pong, où chacune des 2 équipes a mené la partie, ce sont finalement les Héroltais qui se sont imposés à l'extérieur, grâce à un essai de l'ouvreur Charlie Mallier, transformé par l'arrière Victor Droy. 19-23 à la fin du match. Première défaite à domicile de la saison pour Colomiers, qui pointe à la 8e place avec 36 points, à 4 longueurs de la première place qualificative. Une saison en dents de scie pour les Haut-Garonnais, où défaite et victoire se croisent match après match. Pour Montauban, ce n'est pas beaucoup mieux. Après leur défaite face à l'ogre grenoblois, 2e budget du championnat, les Montalbanais sont 10e avec 34 points. Ils enregistrent 8 victoires pour autant de défaites. Pas si mal pour une équipe qui se battait pour le maintien la saison passée. On rappelle que dans ce championnat à 16, les 6 premiers joueront les phases finales pour tenter d'accéder à l'élite de l'Ovalie, tandis que les 2 derniers feront leur retour dans une division amateur. Justement, en parlant de niveau amateur ou semi-pro, en national, il me semble qu'en haut de tableau, le suspense est bien présent. Et plutôt 4 fois qu'une. On ne va pas se mentir, le rugby amateur a quelque chose en plus. C'est moins beau, ça pousse moins fort, ça s'envoie des bourre-pifs dans les rucks. Alors là, bien sûr, on ne parle pas non plus de Régional 3. On est quand même sur la crème de la crème. C'est une division semi-pro. Et d'ailleurs, ça se sent. Il y a quand même 4 équipes qui se tirent la bourre au sommet du classement. Nice, Albi, Narbonne et Carcassonne. Ça se tient en 4 points, alors que ces deux dernières ont un derby à rejouer. Mais on va surtout s'intéresser à Albi, qui était sur une dynamique de 4 victoires d'affilée, dont une face aux concurrents niçois. Et vendredi soir, grosse contre-performance pour les albigeois, qui se sont inclinés chez le premier relégable, l'US Bressan. Heureusement, avec le bonus défensif. Et pourtant, ils menaient encore 25-15 à la 70e. Tout s'est donc passé en fin de match, avec 2 essais en 4 minutes pour Bourg-en-Bresse. Pas de panique, Albi est toujours en course pour monter, et ce n'est pas pour déplaire aux amateurs de ballon ovale. Du côté de la banlieue toulousaine, le SC Blagnac n'est pas aussi vigoureux et s'est installé dans le ventre mou, à la 9e place. Avec une victoire bonifiée 31-6 face à Tarbes samedi, ils s'éloignent de la zone rouge et peuvent même espérer accrocher une 6e place qualificative en fin de saison, sait-on jamais. Et parce que le sport ne se limite pas à l'élite des professionnels, on remercie Théo pour ce petit tour d'horizon. C'est l'heure de l'actualité en bref de la semaine et j'accueille tout de suite Arthur. On commence avec une mauvaise nouvelle pour le monde du ski. Alexis Pinturo a chuté vendredi lors du Super G de Wengen en Suisse. Le Français est lourdement tombé à la réception d'un saut et a dû être évacué en hélicoptère. Il souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, synonyme de fin de saison pour le coureur de 33 ans. Un vrai coup dur pour le ski français. On s'envole pour Melbourne où les premières rencontres de l'Australian Open se sont jouées ce week-end. Et ça commence bien pour Novak Djokovic. Il s'est défait du tout jeune croate Dino Prismic, né en 2005, en 4-7 et 4 heures de jeu tout de même. Le numéro 1 mondial n'a pas manqué de faire l'éloge de son adversaire qu'il a trouvé déjà très mature dans le jeu pour son âge. Du côté des Français, ça passe pour Quentin Alis, mais Arthur Rinderknecht n'a pas su trouver les solutions face au russe Pavel Kotov. Mon fils s'en sort sans problème face à Hanfmann en 3-7. De son côté, Adrian Manarino file aussi vers le tour suivant après un combat acharné en 5-7 face à Stanislas Wawrinka. Dans le tableau féminin, Caroline Garcia répond présente et se paye Naomi Osaka 6-4, 7-6. Diane Parry se qualifie aussi pour le second tour, mais l'aventure australienne s'arrête déjà pour Alizé Cornet, battue sèchement en 2-7, et Léolia Jean-Jean qui sortait des qualifications. On reste sous le soleil, mais cette fois-ci en Arabie Saoudite pour le Dakar. Sébastien Loeb a dominé dimanche la 7e étape du Dakar, mais Carlos Sainz a refait son avance lors de la course de ce lundi. Toujours second au classement général, le nonuple champion du monde de rallye s'est nettement rapproché de son concurrent espagnol et n'est plus qu'à 24 minutes de celui-ci. Tous les espoirs sont permis et les 4 dernières étapes seront décisives pour le Français. Cette journée de compétition a aussi été marquée par une terrible nouvelle. Le motard espagnol Carles Falcón de l'équipe Twin Trail est décédé des suites de ses blessures, survenues lors d'une chute pendant la 2e étape. Le coureur de 45 ans était depuis le 7 janvier placé dans un coma artificiel. Tout de suite, un mot de football américain. Nick Saban, le légendaire entraîneur de l'université de l'Alabama, a annoncé qu'il prenait sa retraite. Après 17 saisons et 6 championnats NCAA remportés avec son équipe, l'homme de 72 ans quitte Tuscaloosa avec un bilan de 206 victoires pour 29 défaites. On termine avec du rugby parce que je crois que l'UBB a fait sensation en Champions Cup contre les Saracens. Oui, Bordeaux a littéralement atomisé le champion d'Angleterre Saracens 55-15 et décroche son billet pour les 8e de finale. Les Bordelais ont dominé du début à la fin de la rencontre, ne laissant aucune chance lors de ce mini-crunch. De son côté, le Racing encaisse un 3e revers de suite. Les Franciliens ne sont plus maîtres de leur destin et devront absolument s'imposer à Cardiff et espérer une défaite de l'Ulster pour se qualifier en 8e. Les joueurs de La Rochelle ont quant à eux assuré la victoire 45-12 face à Leicester et joueront leur qualification la semaine prochaine face à Sale. Eh bien, merci beaucoup Arthur pour ce petit tour d'horizon. On accueille tout de suite Clément qui va nous faire sa carte blanche. Cette semaine, on parle Coupe d'Afrique des Nations et Clément nous présente l'un des principaux favoris, le Maroc, équipe maudite de la compétition. Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a annoncé vouloir briser la malédiction de la Coupe d'Afrique. En effet, véritable sensation de la dernière Coupe du Monde après avoir atteint les demi-finales, le Maroc n'a remporté qu'une seule CAN dans toute son histoire. C'était en 1976 en Éthiopie, et les Lions de l'Atlas avaient alors terminé en tête d'un groupe final de 4 équipes, format uniquement utilisé pour cette édition. Depuis, le Maroc est devenu la première équipe africaine à passer les poules d'une Coupe du Monde en 1986 au Mexique. Il est ensuite parvenu à atteindre la 10e place mondiale en 1998, puis cette fameuse demi-finale face à la France au Qatar. Tout ça sans jamais remporter le moindre trophée continental. Pire même, En 16 participations à la CAN, les Lions n'ont atteint que 3 fois le dernier carré, avec une finale face à la Tunisie en 2004 comme meilleure performance. Une anomalie donc pour la deuxième équipe africaine à avoir pris part au plus grand nombre de phases finales de Coupe du Monde, juste derrière le Cameroun. Mais alors, le Maroc peut-il briser cette malédiction ? Classé 13e au classement FIFA et détenteur de la meilleure performance d'un pays africain dans un mondial, Romain Saïss et ses coéquipiers arrivent avec le statut de favori en Côte d'Ivoire. Avec une seule défaite depuis la fin du mondial en Afrique du Sud au mois de juin, les Marocains vont tenter de surfer sur leur dynamique qatari pour aller chercher le deuxième titre continental de leur histoire. Pour retrouver le Graal, ils pourront se reposer sur les cadres présents au Qatar comme le Parisien Achraf Hakimi, le Marseillais Hasdin Ounahi ou encore l'avant-centre du Séville FC, Youssef En-Nesyri. A noter que sur les 27 joueurs convoqués par Walid Regragui, seuls 14 étaient présents lors de la Coupe du Monde. Mais le sélectionneur de 48 ans, qui a déclaré avoir un bon équilibre entre le présent et le passé, compte sur la jeunesse. Il pourra donc s'appuyer sur des joueurs comme Ismaël Saïbari, 22 ans, ailier du PSV Eindhoven, l'ancien Toulousain Amin Adli, 23 ans, ou encore Bilal El Khanous, 19 ans. Le milieu de terrain de Genk affiche une grande maturité malgré son âge et était déjà présent au Qatar. En Côte d'Ivoire, quel programme pour les Marocains ? Les Lions de l'Atlas sont tête de série du groupe F, un groupe composé de la Tanzanie, contre qui ils débuteront mercredi à 20h, de la République démocratique du Congo et de la Zambie, vainqueur de la compétition en 2012. Des adversaires qui ne devraient a priori pas trop poser de problème à Achraf Hakimi et les siens. A noter qu'en cas de première place du groupe, les hommes de Regragui pourraient affronter l'Égypte, septuple vainqueur en quart de finale, et l'ennemi juré algérien en demi-finale. Merci Clément pour cette fine analyse de l'une des équipes qui pourrait soulever le trophée en Côte d'Ivoire, et on accueille tout de suite François et Bastien qui vont vous présenter le débat qui a agité la rédaction de JT Sport. Une nouvelle saison de cyclisme sur route démarre ce mardi avec le départ du Tour Down Under en Australie. L'an passé, c'est la Jumbo-Visma qui a dominé le peloton en remportant 67 courses, dont les 3 grands tours, le Giro, la Vuelta et bien sûr le Tour de France. En 2024, la formation de Jonas Vingegaard change de nom et devient la Visma Lease Bike. François, Bastien, l'équipe néerlandaise maintiendra-t-elle sa suprématie cette saison ? Alors pour moi, l'équipe Visma Lease Bike ne peut pas faire mieux après son triplé inédit en 2023. Tout simplement parce que les autres équipes sont passées à la vitesse supérieure pendant l'intersaison, avec des budgets toujours plus conséquents pour recruter les meilleurs talents. Comme en témoigne l'arrivée de Primoz Roglic chez la Bora Hansgrohe, après 8 ans passés dans la formation néerlandaise, l'homme aux 80 victoires chez les professionnels n'a qu'un objectif, gagner le Tour de France. Leader unique avec de solides lieutenants comme Alexander Vlasov et Jay Hindley, le Slovène est impatient de mouiller le maillot de sa nouvelle équipe pour qu'il vire au jaune sur les routes de la Grande Boucle. Un tour particulier où le danger viendra de toutes parts pour la Visma avec Tadej Pogacar, Remco Evenepoel et donc Primoz Roglic qui tenteront d'attaquer le vainqueur sortant Jonas Vingegaard. François, la team Visma Lease Bike ne fera pas aussi bien que la saison dernière. Peut-être, mais pour moi elle restera quand même largement au-dessus du lot. Alors puisque tu parles de la grande boucle, rappelons quand même que Jonas Vingegaard sera LE grand favori de cette édition 2024, incontestablement. Il a remporté les 2 dernières éditions et il a encore une fois fait du Tour de France son objectif principal. Alors il pourra compter une fois de plus sur une véritable armada. On ne connaît pas encore la sélection, mais on peut imaginer que des gars comme Sepp Kuss, Matteo Jorgensen, Wilco Kelderman, Tijs Benoot et bien sûr Wout van Aert seront là pour l'épauler en juillet. Tu l'as dit, ses principaux rivaux seront Pogacar, Evenepoel et Primoz Roglic, mais pour moi, il y a quand même des arguments qui viennent amoindrir les chances de ces trois-là. Alors pour Pogacar, j'aimerais penser le contraire, mais malheureusement, j'ai du mal à croire qu'il puisse gagner le Tour cette année. Il sera sans doute émoussé après son Giro. On le sait bien, enchaîner le Tour après le Giro, c'est très compliqué. Ensuite, il y a Remco Evenepoel, mais pour moi, le petit cannibale est quand même un cran au-dessous des autres cadors sur les courses de 3 semaines et sur les étapes de haute montagne. Le parcours de cette édition 2024 est encore une fois très montagneux et n'est donc pas vraiment taillé pour lui. Et puis n'oublions pas, ce sera sa première participation. Et puis pour finir, tu as pas mal parlé de Primoz Roglic, mais il va commencer à être sur la fin de sa carrière. Et pour moi, c'est pas un hasard si la Visma l'a laissé partir. Alors je sais bien qu'avec Desi, on refait le monde, mais je reste persuadé qu'il doit sa victoire au Giro l'an passé à l'abandon de Remco, après avoir été contrôlé positif au Covid. Certes Bastien, mais même en remportant le Tour, le reste de la saison n'est pas joué pour la Visma face aux autres grosses équipes du peloton. D'abord sur le Giro, que Pogacar va disputer pour la première fois avec l'équipe UAE et que je vois remporter haut la main. Ensuite sur les classiques où Mathieu Van Der Poel, pour ne citer que lui, sera un sérieux client face à Wout Van Aert qu'il a déjà battu en cyclocross cet hiver. Côté français, la Visma devra se méfier de la Groupama FDJ emmenée par David Godu, Valentin Madouas et les pépites Romain Grégoire et Lenny Martinez, ainsi que sur la Decathlon AG2R qui a augmenté son budget considérablement avec l'arrivée de l'enseigne bleue et qui entend vivre une saison à fond la forme. Bref, on en perd presque les pédales tellement il y a de prétendants. Comme dit le proverbe, qui visse ma verra. Alors j'entends bien ce que tu me dis François, mais il faut quand même garder à l'idée que sur les deux autres grands tours, l'équipe néerlandaise aura aussi des arguments pour briller. Sepp Kuss qui visera une nouvelle victoire sur le Tour d'Espagne en septembre, et je serais même pas étonné que Jonas Vingegaard se présente au départ de la Volta avec des ambitions. Alors ce sera plus compliqué sur le Giro, je te l'accorde, d'autant plus avec la présence de Tadej Pogacar, qui ne laissera pas beaucoup de place pour les autres. Mais attention quand même à la pépite belge Chan Heutebrooks, 20 ans, qui pourrait terminer le Giro plus haut qu'on ne le pense. Et puis comme une saison de cyclisme ne se résume pas uniquement au Grand Tour, la Visma aura aussi des éléments pour gagner sur tous les terrains, à commencer par les classiques. Sur les Flandriennes, la Visma pourra aligner les Wout van Aert, Laporte, Benoot, Van Baarle et ainsi dynamiter les courses. Alors quand on parle des Flandriennes, on pense forcément à Van Der Poel et Pogacar, mais n'oublions pas que l'an passé, ce sont bien les Jumbo qui ont remporté la moitié des classiques flandriennes, 5 sur 11. Et puis sur les sprints, il faudra compter avec le jeune Olaf Koy, qui a levé les bras 13 fois en 2022 et qui est l'avenir du sprint. Sans oublier évidemment Wout van Aert, encore lui qui n'est pas un pur sprinter mais qui a assez prouvé qu'il pouvait régler les sprints massifs. Bastien, François, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Cette saison de cyclisme s'annonce passionnante à suivre et on scrutera donc les résultats de très près. Ça y est, c'est l'heure du quiz. Et pour clôturer ce 9e épisode en beauté, j'accueille à ma gauche Bastien et Clément qui partiront favoris face aux deux rookies, François et Arthur. Première question, rugby, qui sont les deux joueurs à avoir inscrit un doublé lors de Stade Toulousain Ulster? Peto Movaca et Antoine Dupont. C'est gagné à ma droite. Bien joué, un point pour François et Arthur qui prennent la tête. Très rapidement, il va falloir me donner dans l'ordre le podium de Ligue 1. PSG, Lens, Marseille. PSG, Nice, Brest. C'est gagné à ma gauche grâce à Clément. Sur quel score s'est maintenant terminé le match entre l'équipe de France de handball? 26. C'est gagné à ma gauche. Bastien, bien joué, il a été plus réactif, ça fait 2-1, ils reprennent la tête. Plus compliqué maintenant, quel joueur français a réussi à se qualifier pour le second tour de l'Open d'Australie après avoir été repêché des qualifications? Quentin Alice. Mon fils. Barrère. Hugo Gaston. C'est gagné à ma droite, 2-2, et ça va donc se jouer sur cette ultime question qui sera une petite question historique. Quelle était l'affiche et le résultat de la finale de la dernière CAN? 2-1, Sénégal-Égypte. 2-1. Non, tir au but. Un partout, je dirais, tir au but 5-4. C'est toujours non pour l'instant. Sénégal-Égypte 0-0 et au Sénégal qui gagne au tir au but. C'est gagné à ma gauche, bravo Bastien et Clément qui remportent ce 9e quiz de JT Sport. Félicitations à Clément et Bastien qui remportent ce 9e quiz de JT Sport. On vous remercie de nous avoir écoutés encore cette semaine et suivez-nous sur les réseaux sociaux.